Comment faire pour aller à Dijon ? Si je le demande, on me dira « Je vous défends de sortir de la ville. » Diable, mon coup serait manqué. Il faut partir à 3 heures du matin. Je ne dormais pas, comme si j'allais faire une mauvaise action. Le lendemain, j'étais à 8 heures à l'hôtel du Chapeau Rouge. À 11 heures, le régiment de Lyonne rentrait de faire la conduite à la Duchesse. J'avais eu le temps de faire rafraîchir mes chevaux. On annonce mon arrivée à ces messieurs. Ils viennent. Le gros-major me voyant dit « Le maître de ces chevaux n'est donc pas venu ?»« Vous me prenez sans doute pour un domestique, vous vous trompez. Je suis le propriétaire de ces chevaux. »« Je n'ai pourtant pas la figure d'un domestique. Je suis décoré. Et je l'ai été avant vous, ne vous déplaise. » « Lequel de ces deux chevaux prenez-vous ?»« Le cheval normand. »« Je vous le donne, je veux 600 francs et les 80 francs promis. »« Je vais vous faire un bon que vous toucherez chez mon frère, payeur. » Une heure après, je revins livrer mon cheval, tout scellé et bridé, dans la cour. « Monsieur, si vous m'aviez demandé celui-là, je ne vous l'aurais pas donné. Il vaut lui seul 1 200 francs. » Et je dis au marquis de Ganay, qui était là, « Si vous voulez, je vous le cède au premier étage monté par moi. » Et je redescendrai dessus, si l'escalier est praticable. Je vais vous faire voir les mérites de ce cheval. Je monte en effet et le fais manœuvrer dans tous les sens. Il marchait le pas d'un homme en reculant. De même, je le fais se dresser sur l'appui d'une croisée. « Reste là, lui dis-je. Il ne bougeait pas. » « Voilà, monsieur le major, un cheval de maître, et celui que vous avez est mon cheval de porte-manteau. Il n'est point dressé. » Le lendemain, à Auxerre, personne ne s'était aperçu de mon absence. Je fus rendre compte de mon voyage à monsieur Marais. « Le prononcé de votre procès est rendu. Ils sont condamnés chacun à 1 500 francs de dommages-intérêts. Je suis nommé pour vous faire restituer votre bien. Il faut que tous ceux qui ont de votre bien se désistent, et le notaire de Courson fera les actes de désistement à leurs frais. Je vais leur assigner le jour. J'ai tous les noms, ils sont 17. Cela ne vous regarde pas. Je vous dirai le jour et nous partirons, vous et votre frère. » Mon frère sautait de joie. « Voilà 17 ans, disait-il, qu'ils me font donner de l'argent. » Le jour indiqué, nous partîmes pour Mouffy, accompagnés de M. Marais, pour nous installer dans notre petit bien qui n'en valait pas la peine, car il nous coûtait 1 000 francs de plus que sa valeur. Mais nous avions gagné. Lorsque ces malheureux se furent désistés, nous rentrâmes à Auxerre. Mon frère dit à M. Marais, « Tenez votre mémoire prêt, je vous payerai de suite, car mon frère n'a pas le sou. » Les frais se montèrent à 1 800 francs, et nous avions pourtant gagné. Voyant cette note, je fis un peu la grimace, mais je ne dis mot. Pauvre plaideur, comme on vous plume. Cette affaire réglée, nous partîmes pour Druille, notre pays natal, dans un beau cabriolet pour assister à la vente des biens de nos débiteurs. Je convins avec mon frère de ne pas dépouiller notre père, qu'il fallait lui laisser, sa vie durant, tout ce qu'on devait vendre pour couvrir notre somme. Après un débat orageux avec mon frère, on procéda à la vente. Nous nous rendîmes chez notre père pour lui faire part de nos bonnes intentions à son égard. « C'est plutôt pour augmenter votre fortune que pour la diminuer. »« C'est bien, nous dit-il, mais je veux un logement pour ma femme après moi. » »« Cela ne sera pas, lui dit mon frère. Je me rappelle qu'elle m'a mené dans les bois avec ma sœur pour nous perdre. D'ailleurs, vous lui avez passé tout le reste de votre fortune. Vous avez dépouillé vos enfants pour lui donner d'abord 36 bichets de froment sa vie durant. Et puis, vous le savez, elle est plus riche que nous. » J'aurais consenti, mais mon frère, qui avait tant souffert des cruautés de cette femme, ne voulait pas céder. Tout fut terminé le même jour, mais mon père nous garda rancune plus tard. Revenu à Auxerre, mon frère régla nos comptes. Je me trouvais débiteur de 700 francs. « Bien, me dit-il, avant de partager, donne-moi 2 morceaux de vigne et nous serons quittes. Choisis. » Enfin, il me restait 6 arpents de mauvaise terre et de vignes. Combien je me trouvais soulagé d'être débarrassé d'une pareille somme envers mon frère. J'avais un cheval de reste pour toute fortune. Le lendemain, nous fûmes chez M. Marais, lui porter ses 1 800 francs. Nous fûmes invités à dîner, et mon frère partit pour Paris. Le dimanche, je fus invité à dîner chez M. Marais, qui me fit la remise de 100 francs. Il se rappelait les beaux pistolets dont je lui avais fait cadeau, mais il fallait de temps en temps lui prêter mon cheval lorsqu'il avait des biens à visiter. Cela ne pouvait se refuser. Mais d'autres se présentèrent pour me l'emprunter aussi. Je leur disais, « Il est retenu par M. Marais. » Je rendais compte de toutes ces invitations à M. Marais, qui connaissait tout le monde. « Il ne faut pas le prêter, vous ne pourrez en jouir, et moi je compte sur votre obligeance. » Il est à votre service, mais ces messieurs que je ne connais pas me tourmentent. Il faut refuser. » Il est venu ce matin un grand monsieur habillé en noir, maigre et pâle, qui a la vue basse. Il a l'air d'un juge. Il m'a prié de lui prêter mon cheval pour aller voir ses bois. Vous a-t-il dit son nom ? Oui, il se nomme Chopin. Ne vous avisez pas de lui prêter votre cheval. Il lui ferait manger des javelles. Et comment faire ? Il faut lui dire que je l'ai pour un mois. Ça suffit, s'il me tourmente, je vous l'enverrai. Je m'en charge, me dit-il. Mon père se fâcha contre nous. Il nous fit assigner pour lui payer une pension viagère. Je partis pour Douille, afin de tâcher de concilier cette affaire par devant le maire, monsieur Trémaux. Allons, mon père, il faut nous arranger. Je le veux bien pour toi, mais je veux 14 bichets de froment par an et 200 francs. Mais ça n'est pas possible. Vous savez que je n'ai rien. Vous êtes plus riche que moi. Est-ce votre dernier mot? Si tu es venu pour cela, voilà ce que je veux. Il faut que ma femme ait de quoi vivre après moi. Vous payerez la sottise que vous m'avez faite. Je fis prendre tous les renseignements sur la fortune que mon père possédait à l'époque de sa demande. Il se trouvait être plus riche que moi de 10 000 francs. J'apportai tous ces renseignements à M. Marais et le chargeai de cette affaire. Elle se plaida. Je prouvai au tribunal que mon père avait 10 000 francs de plus que moi. On ne m'en tint pas compte. Je reconnus dans mes juges M. Chopin et je fus condamné à 242 francs, payables 3 mois d'avance. J'en fus suffoqué. Je revins chez mon avoué. « Eh bien, lui dis-je, vous m'avez donné un mauvais conseil. Si j'avais laissé manger des javelles à mon cheval, je n'aurais peut-être pas perdu mon procès, car je crois que ce juge m'ennuie. » Mon père ne tarda pas à me faire signifier le jugement. Ce fut un coup de foudre pour moi. « Eh, mais mon Dieu, je n'ai pourtant pas la goutte, et voilà de fortes sangsues qu'on applique à ma bourse. 80 francs pour 4 feuilles de papier, le timbre et l'enregistrement, c'est cher. Allez donc plaider. Je me ferai plutôt arracher les deux oreilles. » Aussi cela ne m'est jamais arrivé depuis. Je craignais trop les sangsues. J'empruntais 40 francs pour solder ses frais. La pauvre demi-solde ne suffisait pas. Il fallut se serrer le ventre. Je vendis mon cheval à M. Cousin d'Avalon, ce qui me remit dans mes petites affaires, ayant touché de suite 600 francs. Que je me trouvais heureux de payer les premiers 30 francs à mon père, par le commissionnaire qui me remettait son reçu. Je me retirai chez le père Toussaint Armancier, place du marché neuf. Là, ma pension et mon logement ne me coûtaient que 45 francs par mois, avec un petit pot-au-feu d'une livre et demie pour 2 jours. J'allais au café Milon regarder les habitués faire leur partie, sans jamais prendre une tasse de café. De là, je sortais toujours avec mon ami Chaumont Raveneau faire notre promenade habituelle. Puis je rentrais au café pour en sortir à 10 heures. Voilà la vie que je menais pendant tout le temps que je restais garçon. Je ne passais pas plus de 15 jours sans être dénoncé. Puis cela se ralentit. Le commissaire de police était interrogé pour rendre compte de ma conduite. Je puis dire à sa louange que je lui dois ma liberté. C'est lui qui répondait de moi tout le temps de ma surveillance. Il me suivait de l'œil sans jamais me parler. On fit la cérémonie funèbre de Louis XVI. Au jour indiqué pour la célébrer, toutes les autorités furent convoquées pour assister à ce pénible service, et nous reçûmes l'ordre de nous présenter chez le général Boudin pour aller prendre le préfet et nous rendre à la cathédrale. L'église était pleine. Après le service, M. l'abbé Viard monta en chaire. Après le service, le général nous fit signe de sortir du chœur pour nous mener en face de la chaire. Nous formions le cercle tous assis, notre général au milieu de nous. L'abbé Viard lut le testament de Louis XVI d'une voix de stentor. Après sa lecture, le voilà qui tombe sur l'usurpateur Bonaparte, qui avait porté le carnage chez toutes les puissances avec ses satellites, ses buveurs de sang qui égorgeaient les enfants au berceau. Alors, toutes les figures des vieux guerriers devinrent pâles, et le général qui aurait dû venir à notre secours ne dit mot. En sortant de cette cérémonie, tout le monde était silencieux. Je croyais étouffé de colère contre l'abbé Viard. Il m'a fait une si terrible blessure que je n'ai été depuis aux cérémonies que forcément. Voilà ce que j'ai vu et entendu. Que les hommes de ce temps s'en souviennent. Il fallut que nous restâmes humiliés. Il fallut aller à la messe tous les dimanches. Je croyais toujours voir cette tête blanche, aux cheveux regrichés, monter en chair. Je crois que je serais sorti de la cathédrale, tant cet homme me faisait mal à voir. Un jour de fête-Dieu, nous fûmes chez notre général. De là, chez le préfet, attendre le moment de partir pour la cathédrale. Mais le chapitre des conversations se prolongeant un peu trop, la procession sortit, et l'on vint avertir le préfet de ce contretemps. Au lieu d'aller à l'église, nous fûmes obligés de courir pour la rattraper sur la place. Mais lorsque nous eûmes dépassé le portail, longeant le clergé pour nous porter derrière le dais, suivant notre général, on criait derrière nous à tue-tête « en arrière les officiers, en arrière !» C'était le tribunal qui voulait passer devant nous. Je me trouvai sur le côté gauche. Le procureur du roi, se trouvant à mon côté, me dit « Vous n'entendez donc pas que je vous crie de rester derrière ?»« Mais je suis, mon général. Je vous dis de laisser passer le tribunal. C'est donc vous qui nous commandez ?»« Eh bien, commandez. »« Je ne vous connais pas, dit-il. »« Je vous connais, moi. Vous vous nommez Gachon. » Et il n'y a qu'un gâchon comme vous qui puisse gâcher un officier comme moi. Si vous étiez officier, je vous dirais deux mots. » Il se trouvait parmi nous des chevaliers de Saint-Louis qui eurent l'insolence de me dire « Donnez-lui un soufflet. » Je me retourne et les regardant d'un air de mépris. « Que me dites-vous ? Cette affaire à vous de lui donner un soufflet et non à moi. Vous seriez pardonné et moi fusillé. » Il fallut que je restasse encore une fois humilié. Cela fit grand bruit dans la procession. Un des aides de camp du général vint lui rendre compte de ce qui venait de se passer derrière lui. Après la cérémonie, le général me dit « Mon brave, cela n'arrivera plus. On connaîtra l'ordre de marche. Il n'est plus temps. Vous ne vous verrez plus, que M. Gachon s'en souvienne. » La duchesse d'Angoulême vint à passer à Auxerre et l'on fit tous les préparatifs pour la recevoir. Des hommes de la marine, tous habillés de blanc, étaient commandés pour dételer ses chevaux sous la porte du temple. Moi, je reçus l'ordre de me porter en grand uniforme à la porte du temple pour me placer à la portière de droite de la princesse, sabre au poing. Je m'y rendis. Les ordres ne sont pas des invitations, il faut obéir. Arrivé à mon poste, je me plaçai près de la portière, et mes dindons habillés de blanc traînaient la voiture au petit pas. Moi, avec ma figure antique, je ne soufflais mot. Elle pouvait se vanter, si elle m'avait connu, que je ne l'aurais pas laissé insulter. J'ai toujours respecté le malheur. Arrivé sur la place Saint-Étienne, la voiture s'arrêta près de la cathédrale, et le clergé avec la croix et le grand crucifix, porté par l'abbé Viard et M. Fortin, vicaire, se présentèrent à la portière de gauche. L'abbé Viard présentait son crucifix, et ce pauvre Fortin, la tête penchée sur l'épaule de l'abbé Viard, pleurait de bon cœur. Ça coulait sur ses grosses joues si fort qu'il me donnait presque l'envie d'en faire autant. Comme c'était amusant pour moi. Lorsque toutes les bénédictions et les baisers de crucifix furent terminés, la voiture de la princesse, traînée par les ânes du port, fit son entrée dans la cour de la préfecture. Au pied du perron, elle fut reçue par les autorités et monta d'un pas lent les degrés. Elle était pâle, maigre et soucieuse. On l'introduisit dans une grande salle qui pouvait contenir 300 personnes. Là, un trône était préparé pour la recevoir. Ma mission remplie, je me réunis au corps des officiers en demi-solde pour les faire notre visite à cette princesse, fille du malheureux Louis XVI. Notre tour arrive, nous sommes annoncés et formons le cercle dans cette salle immense. Elle ne nous adressa pas un mot. Elle avait l'air rechignée. Il se présente une grande dame, pâle, qui se fait annoncer pour faire présent d'un anneau ayant appartenu, disait-elle, aux ancêtres de la famille de Louis XVI. Une dame d'honneur rend compte de cette visite à la duchesse qui dit « Faites retirer cette femme. » Force lui fut de se retirer bien penaude. En ce temps-là, il nous fut enjoint de chercher des établissements, ce qui voulait dire « Vous êtes répudié. » Tous les officiers qui ne purent rester en ville se sauvèrent dans les campagnes pour vivre à la table des laboureurs, moyennant 300 francs de pension par an. Moi, je pris de suite mon parti. J'allais à Moufy, m'installer pour un mois. Mettre mes morceaux de vigne en bon état, me disant que si j'y dépensais mes économies, je pourrais toujours vivre avec mes 73 francs par mois. Comme mes deux hommes de journée, je faisais trembler le manche de ma pioche. Dans un mois, mes petits morceaux de vigne étaient dans l'état parfait. Je ne le cédais pas à mes deux vignerons. Je leur montrais que le soldat pouvait reprendre la charrue. Mes pauvres mains avaient de fortes ampoules, mais je me déchaînais contre l'ouvrage, disant « J'ai passé par de plus grosses épreuves. » Je vous ferai voir, mes enfants, que la terre doit nourrir son maître. » Je m'en revins à Auxerre pour des affaires plus sérieuses. Je m'étais dit, il faut prendre un parti, il faut te marier. Tu ne peux plus rester garçon maintenant qu'il t'est permis de former un établissement. mais avant tout il faut la trouver. À qui me confier? Je dus faire visite à Monsieur Mort, qui était un de mes dignes amis. Je le fréquentais depuis 1814. J'étais toujours bien reçu. Il avait une parente pour fille de boutique qu'il appelait toujours ma cousine. Je l'avais distinguée à cause de son activité au commerce, mais je ne disais mot. Le temps m'en fournit l'occasion. Cette aimable demoiselle trouva un petit fonds de commerce et, sans rien dire de ses intentions à ses parents, elle en devint propriétaire. Je l'avais perdue de vue. Passant chez M. Labour, confiseur, pour lui faire visite, Mme Labour me dit « Connaissez-vous un capitaine décoré qui demeure à Champs ?»« Non, madame. » »« C'est qu'il désirait se marier avec une demoiselle de nos amis, qui était chez M. Mort depuis 11 ans, et qui vient de s'établir à son compte. » « Et où est-elle établie ?»« Au coin de la rue des Belles-Filles. » « Elle a payé le fonds de la maison, tout au comptant, avec un bon mobilier. » « Eh bien, madame, je ne connais ce capitaine que pour l'avoir vu aux grandes cérémonies. Je ne puis vous en donner des renseignements positifs. » Je pris congé. « Ah, me dis-je, on veut me souffler cette demoiselle. Il ne faut pas perdre de temps. » Le même jour, je vais chez Mademoiselle Baillet. C'était son nom de famille. « Mademoiselle, je désirerais avoir du café et du sucre. »« Volontiers, monsieur, dit-elle. Je voudrais avoir le café frais moulu. »« Je vais vous en moudre. Combien en voulez-vous ? » Une livre me suffit, et voilà que je lui fais tourner son moulin. Cette opération finie et mes deux paquets attachés, je paye. Je n'en ai pas pris beaucoup. Tant pis, monsieur. Ce n'est pas cela que je désirais. C'est à vous que je veux parler. Eh bien, parlez, je vous écoute. Je viens vous demander votre main pour moi. Je fais ma commission moi-même, sans préambule et sans détour. Je ne sais pas faire de phrases. C'est en franc militaire que je vous demande. Eh bien, je vous réponds de même, cela se peut. « Eh bien, mademoiselle, votre heure, s'il vous plaît, sans parler de cette sérieuse affaire. À 6 heures. »« À 6 heures précises, je me présente. Vous n'avez pas la permission ?»« Je vais la demander. Mais il faut convenir de nos fêtes et de nos fortunes. Pour avoir la permission, il faut que ma future apporte en dot 12 000 francs. »« Je puis le prouver, dit-elle, y compris ma maison et mon mobilier. Ainsi, nous sommes d'accord. Pour moi, je n'ai rien que quelques arpents de terre et des vignes, mais je ne dois rien. » Toutes mes petites économies sont enfouies dans la réparation de mes vignes. Je ne croyais pas me marier si tôt. Eh bien, demandez votre permission, je vous donne ma parole. Et moi, mademoiselle, je vous donne la mienne. Demain, je ferai ma demande au général. Je fus bien accueilli du général. Je vais faire partir votre demande de suite, et je vais l'apostiller. Je vous remercie, général. 8 jours après, j'avais ma permission. Je cours chez mademoiselle Baillet. Voilà ma permission. Il faut prendre jour pour passer le contrat. Si vous êtes en règle, nous pouvons fixer le jour de notre mariage. Vous allez bien vite. Il faut que j'en fasse part à mes parents. Prenez tout le temps nécessaire, et puis nous fixerons l'époque que vous voudrez. Je désirais me marier le jour de ma fête, le 16 août. Cela n'est pas possible, c'est le jour de fête. Mettons cela au 18. Je vais écrire à Paris pour inviter seulement ma sœur, car nous ne ferons pas de noces. C'est bien mon intention. D'abord, moi, je n'ai pas d'argent. Et votre famille est trop considérable. Je ne veux pas qu'ils sachent le jour de notre mariage. Je leur ferai part que je me marie, voilà tout. Cela coûterait 500 à 600 francs. Il vaut mieux les mettre dans notre petit commerce. Je vous approuve. Nous fixâmes le 10 pour le contrat et le 18 pour notre mariage. Le contrat fut passé. M. Marais fut mon témoin et M. Labour celui de ma future. Ma dot en espèces était des plus minces. Je lui dis... J'ai pour toute fortune 4 francs 50 centimes. Vous aurez la bonté de faire le reste. Je vous offre une montre à répétition, une belle chaîne et 2 couverts d'argent. Pour ma garde-robe, elle ne laisse rien à désirer. 40 chemises et le reste à proportion, plus 73 francs par mois, 125 francs par an de la Légion d'honneur et 4 feuillettes de vin. Mais je ne dois pas un sou. Eh bien, monsieur, nous ferons comme nous pourrons. Tout fut convenu. Je fus de suite chez M. Rivolet le prier de me prêter 80 francs pour acheter un châle que je portais aussitôt à ma future. Elle fut enchantée. J'allai ensuite chez M. Mort lui faire part de mon mariage. « Avec qui vous mariez-vous »« Avec votre cousine, Mademoiselle Baillet. C'est elle que je vous aurais choisie, mon brave. Je vous offre mes services. Je pourrais en avoir besoin. Comptez sur moi. » Je passai aussi chez M. Labour. « C'est vous qui êtes cause de mon mariage avec votre amie. Vous m'avez donné l'éveil. Sans vous, on aurait pu me la souffler. Combien nous sommes heureux de vous en avoir parlé. Ce n'était pas tout cela qui me tourmentait le plus. Il fallait aller à confesse. Je prends des renseignements. « Il faut vous adresser à M. Lelon, me dit-on, c'est un brave homme. » Je vais de suite chez lui. « Monsieur, lui dis-je, je vous ai choisi pour me marier. »« Mais êtes-vous confessé ?»« Pas du tout, c'est pour cela que je viens près de vous. »« Peut-on demander à un militaire ?»« J'ai fait mon devoir. »« Eh bien, je vais faire le mien. » Il met ses deux genoux sur le bord d'une chaise, marmotte une petite prière, et quittant sa chaise, il me donne sa bénédiction, qui en valait bien une autre, avec mon billet de confession. « Vous direz à l'abbé Villard que c'est moi qui vous marie. Qui épousez-vous ? Mademoiselle Baillet. »« Ah, me dit-il, j'ai fait mes études avec son père. Est-elle confessée ? Non, monsieur. Envoyez-la-moi. Ça suffit, je désirerais être marié le 18 à 4 heures du matin. L'église ne s'ouvre qu'à 5 heures, mais je prendrai les clés à 4 heures et demie et je serai à la porte. Je vous remercie. Je vais vous envoyer ma future de suite. Je l'attends. » Je sautais de joie d'être débarrassé de cela. « Je vais chez ma future. Mademoiselle, je suis confessé. Monsieur Lelon vous attend. »« Eh bien, j'y vais. »« C'est chez lui qu'il faut aller. C'est un vieil ami de votre père, il me l'a dit. »« Eh bien, restez près de ces demoiselles. Je ne serai pas longtemps. » Tout fut terminé en une demi-heure, et le lendemain, nous portâmes nos 3 francs à l'abbé Villard. J'avais tout prévu pour partir. J'avais loué une voiture à 4 places qui nous attendait porte Champineau au sortir de l'église. À 6 heures, nous étions en voiture, après avoir pris la tasse de café. Personne n'était levé dans le quartier. C'était comme un enlèvement. J'avais prévenu à Moufi que je mènerais mon épouse le 18. Qu'on m'attende, moi, 4e, avec un bon pot-au-feu, que je me chargerais du reste. Je pris un pâté de 3 francs, et nous voilà partis dîner à Moufi. Le lendemain, nous fûmes à Coulanges dîner chez M. Ledoux, qui nous attendait avec un dîner de cérémonie. Sa demoiselle était fille de boutique de mon épouse. Nous revînmes à Auxerre à 9 heures du soir. Personne dans le quartier ne doutait de rien. Le lendemain, je me lève à 5 heures pour ouvrir ma boutique. Et les voisins, me voyant si matin, disaient « L'amoureux est bien matinal ». Le lendemain, même répétition. Ils ne se doutaient pas que je fusse marié. Je peux certifier que, y compris la voiture pour frais de noces, j'ai dépensé 20 francs en 2 jours. On ne peut pas être plus modeste. Le dimanche, nous fûmes faire nos visites. Partout des reproches de ne pas les avoir invités à la célébration de notre mariage. Ne m'en voulez point, je ne le pouvais. Il aurait fallu que je vous renvoyasse au sortir de l'église. Ne pouvant vous recevoir, vous êtes trop nombreux. Je ne vous demande que votre amitié. Les dames disaient, si nous avions assisté seulement à la bénédiction. Il était trop matin pour vous déranger. C'était partout les mêmes reproches. La famille était si nombreuse que nous en eûmes pour 3 jours. Ces pénibles visites terminées, je pris de suite le collier. Je me multipliais. À 4 heures du matin, sur pied pour faire notre petit ménage, je mettais la main à tout avec mon aimable épouse. Nous n'avions pas les moyens d'avoir une domestique, mais seulement une femme de ménage à 3 francs par mois. Je pris donc la serpillière pour brûler mon café, mais comme j'étais en disponibilité, il me fut défendu de la porter. Il fallut se résigner. J'allais chez M. Mort le prier de m'ouvrir un crédit en épicerie. Je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Mais pas de billets, tout sur ma bonne foi, je prendrai seulement un livret. Tout ce que vous voudrez. Eh bien, commençons aujourd'hui. Je ne prends pas tout chez vous. Il faut que M. Labour me fournisse aussi certains objets, tels que de l'huile, du chocolat et des cierges. Tout ce que vous voudrez est à votre service. Mes emplettes se montaient à 1000 francs. Il voulait m'en faire prendre davantage. Si j'en ai besoin, je reviendrai. Je fus chez M. Labour lui faire pareille demande. Vous trouverez chez moi tout ce dont vous aurez besoin, avec un livret seulement. C'est entendu, je partage ma pratique entre vous et M. Mort. C'est juste, c'est de droit. Voyons, commençons. Voilà la note que ma femme m'a donnée. Mettez toutes ces marchandises sur mon livret. La recette du premier mois sera pour M. Mort et le mois suivant pour vous. Cela vous arrange-t-il ? Tout m'arrange avec vous. Sa note montait à 800 francs. Tout cela placé, il fallut retourner. M. Mort donna un petit mouvement à son bonnet de coton en me voyant rentrer. « Voilà une note, c'est très bien, mon brave. Vous aurez cela ce soir. » J'en fis autant chez M. Labour. Les 4 notes réunies se montaient à 3 500 francs. C'était effrayant pour moi, mais ma chère épouse me disait « Sois sans inquiétude, nous nous tirerons d'affaires avec du travail et une sévère économie. Nous viendrons à bout de tout. » Que j'étais heureux d'avoir trouvé un pareil trésor. Lorsque toutes nos marchandises furent placées et nos factures reconnues, il vient un ami de M. Maure nous visiter. C'est M. Fleutelat. Avec les compliments, il me dit « Capitaine, si vous voulez, je vous prête 10 000 francs sans intérêt. » « Je vous remercie. Cela m'empêcherait de dormir. M. Maure et M. Labour m'ont ouvert un crédit. Je vous suis bien reconnaissant. » Lorsque nous fûmes bien organisés, les acheteurs arrivèrent de toutes parts et la vente allait, on ne peut mieux. 1 500 francs par mois. J'étais content de pouvoir porter 1 000 francs à M. Maure et 500 francs à M. Labour. Je renouvelai nos marchandises avec joie. J'étais toujours tourmenté par l'inquiétude des dénonciations. Lorsque je voyais un agent de police, je croyais que c'était pour moi. Et souvent, je ne me trompais pas. « Que me voulez-vous, monsieur ? Passez à la mairie. Je vous suis dans 1 heure. Ça suffit. » Ma femme était tourmentée. « Mais tu n'es sorti que pour aller chez M. Maure. Ma chère amie, quand tu me mettrais dans une boîte, il me ferait parler par le trou de la serrure. » Je me rendis à la mairie devant M. Leblanc. « Que me voulez-vous, monsieur le maire ? Mon brave, vous êtes dénoncé. Ce n'est pas possible, je ne suis sorti de chez moi que pour aller chez M. Maure. Je ne quitte ma petite boutique que pour aller faire mes emplettes. Je ne sors pas. Je n'ai été au café qu'une fois depuis que je suis marié. Je vous prie de garder l'infâme qui me dénonce. Mais je crois ne pas me tromper, il passe de temps en temps des prisonniers qui demandent des secours avec une liste des noms de tous les officiers. Je leur donne 3 francs. Au plus mal chaussé, je donne mes bottes et mes souliers, mais je n'ai plus rien à leur donner. Je parie que je suis la dupe de mon bon cœur, que c'est des espions ceux-là d'être des prisonniers. Vous devez savoir cela, monsieur le maire, c'est la police de Paris que l'on fait venir pour me perdre, mais je ne laisserai pas entrer un seul individu chez moi, je les recevrai à la porte. Je crois avoir mis le doigt sur le mal, car le maire me dit « Vous pouvez vous retirer. » « Je vous salue, monsieur le maire. » Je rentrai chez moi. « Eh bien, me dit ma femme, que te voulait-on ? » « Eh bien, encore une dénonciation sans preuve. Il ne faut pas laisser entrer personne dans notre chambre. Je crois avoir deviné que c'est la police de Paris qui me poursuit. Monsieur Leblanc m'a renvoyé sans aucune observation. C'est son secret et non le mien. Il m'a bien reçu. Mon épouse me dit, « Mon ami, il faut chercher si tu pourrais trouver un jardin pour te désennuyer. »« Je le veux bien, lui dis-je. »